au tout computationnel. Chaos et lambeaux. Non au tout computationnel. Chaos et lambeaux. Non au tout computationnel. RFID, la police totale. Chaos et lambeaux. Un message du bon coup au monde. Au moins les OAC. Non au tout computationnel. Chaos et lambeaux. RFID, la police totale. RFID, la police totale. Traduction sur quelques millimètres carrés d'un désir totalitaire de tout suivre, pister, détecter, contrôler, surveiller électroniquement. RFID, la police totale. La chose ressemble à une mini-étiquette, d'où son nom d'étiquette intelligente ou smart tag. Non au tout computationnel. Se compose d'une puce et d'une antenne. Chaque étiquette est unique, donc distingue l'objet ou la personne qui la porte parmi tous les autres. RFID, la police totale. Sans stress, ce qui est une avance à stress, un vertac en sphène, pour une minute.